La Bible David Martin 1855. Le Saint-Évangile selon saint Marc. Marc chapitre 1. Le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ta voie devant toi. La voix de celui qui crie dans le désert, est, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean baptisait dans le désert, et prêchait le baptême de repentance, pour obtenir la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée, et les habitants de Jérusalem, allaient vers lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Or Jean était vêtu de poils de chameau, et il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait, en disant, « Il en vient un après moi, qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie des souliers. Pour moi, je vous ai baptisé d'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit. » Or il arriva en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean, au Jourdain. Et en même temps qu'il sortait de l'eau, Jean vit les cieux se fendre, et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il y eut une voix des cieux, disant, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt l'Esprit le poussa à se rendre dans un désert. Et il fut là au désert 40 jours, étant tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et disant, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est approché, convertissez-vous, et croyez à l'évangile. » Et comme il marchait près de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ayant aussitôt quitté leur filet, ils le suivirent. Puis passant de là un peu plus avant, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui raccommodaient leur filet dans la nacelle. Et aussitôt il les appela, et eux, laissant leur père Zébédée dans la nacelle avec les ouvriers, le suivirent. Puis ils entrèrent dans Capernaüm, et aussitôt après, au jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et ils s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Or il se trouva dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit immonde, qui s'écria, en disant, « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Mais Jésus lui parla fortement, et lui dit, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Alors l'esprit immonde le tourmentant, et criant à haute voix, sortit de cet homme. Et tous en furent étonnés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, et disaient, « Qu'est-ce ceci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? » Il commande avec autorité, même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit incessamment, dans tout le pays des environs de la Galilée. Et aussitôt après, étant sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, malade de la fièvre, et d'abord ils lui parlèrent d'elle. Et s'étant approché, il la releva, en la prenant par la main, et à l'instant la fièvre la quitta, et elle les servit. Or, le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée devant la porte. Et il guérit plusieurs malades, qui avaient de différentes maladies, et chassa plusieurs démons hors des possédés, et il ne permit point que les démons disent qu'ils le connussent. Puis au matin, comme il était encore fort nuit, s'étant levé, il sortit, et s'en alla en un lieu désert, et il priait là. Et Simon, et ceux qui étaient avec lui, le suivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Et il leur dit, « Allons aux bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car je suis venu pour cela. » Ils prêchaient donc dans leur synagogue, par toute la Galilée, et chassaient les démons hors des possédés. Et un lépreux vint à lui, le priant et se mettant à genoux devant lui, et lui disant, « Si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus étant ému de compassion, étendit sa main, et le toucha, en lui disant, « Je le veux, sois net. » Et quand il eut dit cela, la lèpre se retira aussitôt de cet homme, et il fut net. Puis l'ayant menacé, il le renvoya incessamment, et lui dit, « Prends garde de n'en rien dire à personne, mais va, et te montre au sacrificateur, et présente pour ta purification, les choses que Moïse a commandées, pour leur servir de témoignage. » Mais lui étant parti, commença à publier plusieurs choses, et à divulguer ce qui s'était passé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il se tenait dehors, en des lieux déserts, et de toutes parts on venait à lui.